belle vie. Sans amour, sans soucis, sans problème. La belle vie, on est seul, on est libre et l'on traîne. On s'amuse à passer avec tous ses copains des nuits blanches qui se penchent sur les petits matins. Mais la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie, on s'en lasse, on est triste et l'on traîne. Alors, pense que moi, je t'aime. Et quand tu auras compris, réveille-toi, je serai.